الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإمام الطبراني recueilli dans المعجم الصغير un hadith accompagné d'un récit mettant en évidence l'amour que vouaient les compagnons du messager d'Allah رضي الله عنهم à ce dernier sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith a été notamment mentionné par le noble cheikh, le défunt Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde dans son livre intitulé As-Sahih al-Musnad, min Asbab al-Nuzul, qui est un livre dans lequel il a compilé des hadiths qu'il a qualifiés d'authentiques et qui sont relatifs aux causes de la révélation de certains versets du noble Coran. À la page 80 de ce livre, il a dit que l'imam al-Tabarani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans As-Sagir, le volume 1, page 26, Ahmed ibn Amr al-Khalal al-Makki, Abu Abdillah, nous a informé en disant, Abdullah ibn Imran al-Abidi nous a informé en disant Fubayl ibn Ayyad nous a informé d'après Mansour, d'après Ibrahim, d'après Al-Aswad, d'après Aisha qui a dit un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit ô messager d'Allah, certes je t'aime plus que ma propre personne. Et certes, je t'aime plus que ma propre famille et mes propres biens. Et certes, je t'aime plus que mes propres enfants. Et il arrive que je sois chez moi et que je pense à toi et que je n'arrive pas à patienter jusqu'à me présenter à toi et te regarder. Et lorsque je pense à ta mort, à ma mort et à la tienne, je me rends compte que lorsque tu vas entrer au paradis, tu vas être élevé en compagnie des prophètes. Alors que moi, si j'entre au paradis, je crains de ne pas te voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam descende avec le verset « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ » فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Jusqu'à la fin du verset. Dans la traduction approchée du sens est ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là sont en compagnie de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi lesquels les prophètes, les grands véridiques, les martyrs et les pieux. Ce récit met donc en évidence l'amour que vouaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce dernier alayhi salatu wa salam, et met également en évidence l'importance et les mérite qui réside dans le fait de le suivre, de l'aimer, de se conformer à sa sunna. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous place parmi les fidèles adeptes de sa sunna et qu'il nous fasse bénéficier et jouir de la compagnie de ceux qu'il a comblés de bienfaits, parmi lesquels prophètes, grand véridique martyr et pieux, et quelle bonne compagnie que la leur. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.